C'est juste la fin de la première heure. Il y en a une deuxième tantôt. Oh! Incroyable surprise. Allez, m'accrocher, moi, là. Non, non, non, non, non. Pas la fin de la même. C'est après l'émission. Oh, OK. Oh non, attends, tu travailles ici. Ah, tu peux pas. T'as un bon doigté visuellement pour des chansons comme ça. Merci, François-Olivier, pour ce compliment qui veut pas dire grand-chose. Savais-tu que c'est la journée du Pi aujourd'hui? Moi, je suis de Saint-Pi, ce Pi-là. Ah oui, non. Ou Pi, le chiffre... Les vaches. Ah, les vaches. Non, non, vaches. Le chiffre, en effet. Ça, c'est... Banana Split, présenté par Dairy Queen, c'est ça? Ah, oh, ça, Selections. C'est... Non, je l'ai pas vu. Mais t'aurais pas tort, là. Non, mais j'ai tort, c'est une blague. Le Selection Sunday, que t'as appelé tantôt. Ouais, Selection Sunday. Selection Sunday. Donc, okay, Sunday. Le Selection okay. Banana Split, présenté par Dairy Queen. Comment? Je cherchais un jeu de mots avec Selection. J'avais vraiment pas établi le Sunday ouais. dans ta blague. Mais j'avoue que j'ai pas de mérite avec cette sélection. Selection mérite. Selection mérite, non? Oui, oh, non. OK, peut-être que t'aurais pas choisi ça, monsieur le président, choix du président. Ces jeux de mots n'ont pas de nom, sans nom. On te donnera pas nos compliments. Oh! Oh! Wow! OK, il m'a eu, par exemple. Lanaudière. Ça va pour le dire. Lanaudière, ouais. Je me suis pas trompé. Ça, non, il n'y a pas de problème. C'est pas Lanaudière? Non. Diary? Non. Diary? Non, c'est tout. Diary. Oh, on peut se faire chicaner, là. Ah, les petites blagues faciles aujourd'hui, on se croirait à mon oncle Fernand. De Lanaudière. Ou l'anneau de demain. Ou l'anneau de demain. Ou l'anneau d'aujourd'hui. Ah. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Nous, jouer de la bonne musique? Jamais. Toujours. Toujours. Ben oui, voyons donc. Marketing. Hey. Ah, mais on dit contrat, c'est comme la journée des contrats, hein? Ouais, si on veut. T'es fin. Ah, oh, c'est pas vrai. C'est contrat. Tout est beau. Ah, là, là, là, là, là. Oh, oh, jus de tomate. Jus de tomate. Oui, tomato juice. C'est un fruit. C'est un fruit? Un fruit. C'est pas un légume. Non, c'est ça. Hey, toi, hey. Commence pas à me traiter de légume, c'est Mathieu, pardon. Ta chronique Les Éphémérides du rock avec Alain Lefebvre. Les Éphémérides. Les Éphémérides. Ouais, exact, c'est ça. Ça sonne bien. Il y a pas l'explosion derrière. Ben. Non, c'est... Ah, oh, OK, attention. On va l'essayer, OK. Vas-y, tu fais explosion, on y va à trois, OK? Parfait. Mais à go, ben, un, deux, trois, go ensuite. Okay. Ouais. Un, deux, trois, go. Les Éphémérides. Hey, c'est génial. Pas si pire. Pas si pire, ouais. 7 sur 10. Mettons. Belle atterrissage. J'en profiterai, car Simon fait du bien, là. Et François Landry aussi. Donc, pour te chanter, Mathieu non. Blanc. Non, non, non, non, non. Un joyeux anniversaire. Uh-huh. Donc, allons-y, chantons. On y va en cœur. Oh, oui. Oui. Un, deux, trois. Bonne fête, Mathieu. Bonne fête, Mathieu. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Mathieu. Yeah! Bon, mais je suis officiellement gêné. Mon cher Mathieu. Ah, hey, bonne fête. Bon. Ben oui, ben merci. Bonne fête. Vous l'avez pas chanté à la façon Mathieu Plante, genre... Bonne fête. Et c'est très bon. Ah ben ça joue assez fou, hein? Dur de dire le contraire.